traces de Jean Bernard, les vallées d'Alcatraz. Il aurait mieux valu dans sa vie de scélérat que le groupe Meudru, pour qu'il ne soit pas un imbécile heureux, un cyclope sans vérité qui vivra assez vieux pour que tout soit gangréné. Il est plus blanc que blanc, ce d'âge trop antipathique qui nettoie la rythmée de tout mélange stimulant. De tout mélange stimulant, il nettoie la rythmique. Provoque des réactions saines, et ce n'est plus la peine d'attiser notre haine, car sa vision est réduite au racisme et au crime. C'est Adolphe qu'il mime, le franco qu'il imite, et qu'il fasse attention au garçon hors du son, à la balle dans le front qui décapitera le front. Avec tous ses discours, on en oublie l'amour des cymbales qui pompent, du gardien de notre swing. La peine d'implorer Bethléem, la Mecque ou Jérusalem, pour qu'il quitte la scène. Il se réclame du pire, avec le pire il fait rire, les guignols de sa piétaille, sur des points de détail. La nation est en danger, il faut qu'on vienne nous aider. Je propose que l'on sonne à la porte des francophones. Mais la prose est à faune face aux Bretons et sa faute. Alors faut pacifier, alors faut pacifier. Ma... Pays de Dieu.